Salut à tous, j'ai une grande nouvelle. Comedy Discovery va passer un nouveau cap. L'émission va avoir un rythme de sortie beaucoup plus soutenu, avec une diffusion hebdomadaire. Pour pouvoir tenir ces sorties, on va passer à un format d'une heure. Mais le plus grand changement, c'est que nous serons en direct tous les mardis sur Radio Campus Montpellier, sur le 102.2 FM pour les gens sur Montpellier et sur leur site internet pour le reste du monde. Donc voilà, j'espère que vous serez encore nombreux à nous suivre dans ces nouvelles aventures et que la nouvelle émission vous plaira. Et voilà, on va passer à l'émission. Vous soupçonnez votre voisin de faire pousser des substances illicites depuis qu'il a acheté une Green Lantern. Vous avez hurlé « Mon Dieu, c'est Darkseid » à la fin de Avengers, où vous pensez que Hulk est un vendeur de légumes de grande taille. Montez le son de votre radio et soyez attentifs, vous allez apprendre pas mal de trucs. Bonjour et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics. Pendant une heure, nous allons décrypter et vous partager nos coups de cœur, nos coups de gueule sur l'univers de la bande dessinée américaine. Moi, je suis James de l'Amicale du Geek, vous m'avez peut-être vu dans des vidéos comme plein de vidéos sur une chaîne YouTube qui s'appelle L'Amicale du Geek. Et peut-être dans mon premier du cinéma Gaumont. Oui, voilà, exactement. Et pour ça, je suis avec une équipe de passionnés autour de moi. En face de moi, il y a celui qu'on va appeler la voix du grand public, Gilles. Bonjour, James. Le candidat de l'émission, celui qui a moins lu de comics que tout le monde, je pense. C'est ça, un peu le grand public. Et à côté, il y a l'opposé avec le gardien du temple, l'homme qui a 10 millions de comics chez lui, qui doit avoir, avec des boîtes de comics, il a fait un temple dans sa maison peut-être, non ? Non, je ne suis pas encore à ce niveau-là, non. Et puis mon temple, sorti du Star Wars et du X-Men, ça reste un petit temple, mais dans la mesure où je suis le plus vieux de la bande, c'est pas moi ce que vous faites, mais bon voilà, je suis le gardien du temple. Okay, je représente ces vieux comics, ces vieux lecteurs qu'il ne faut pas froisser. Et la sainte continuité qu'il ne faut absolument pas froisser aussi. Et à côté de moi, il y a aussi Maxime, qui va être le gardien du temps, lui, puisque c'est lui qui va gérer le temps d'émission, puisque nous la découpons en trois actes. Normalement, on va commencer avec des petites news sur l'actu du comics, mais là, on va essayer de vous présenter un peu qu'est-ce qu'un comics, puis essayer de présenter un peu l'équipe aussi. On va enchaîner avec une autre partie qui va être la review, on va vous parler d'un titre en particulier, un coup de gueule ou un coup de gueule, selon nous. Et on finira avec nos attentes comics et nos attentes hors comics, dans les autres univers de la geek culture, de la pop culture. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, messieurs ? Tout à fait. Allez. Est-ce qu'on a le choix, de toute façon ? Non, vous n'avez pas le choix. Bon, ben voilà. Et on va commencer tout de suite avec ces questions. Et on va commencer par Mathieu. On va poser une question à Mathieu, comme tu es le gardien du temple, comme je viens de le dire. Ça y est, ça sera ton bisutage. Alors, voici la question. Pas trop dur. La question la plus dure qu'on t'a jamais posée. Qu'est-ce qu'un comics ? Oui, il faudrait commencer par là. Alors, le comics, c'est la bande dessinée américaine, par opposition au franco-belge qui est européen et au manga qui est japonais, par exemple. Et basiquement, quand on dit comics, donc, ça parle forcément au grand public super-héros. La publication phare du comics aux États-Unis, c'est un format qui s'appelle un single, qui en général fait sur du papier de pas très bonne qualité, avec beaucoup de publicité, et qui sort tous les mois. Deux grosses maisons d'édition, donc Marvel avec du Spider-Man, du X-Men, du Avengers, ouais, du Iron Man, et en face DC Comics avec du Batman, du Superman, du Wonder Woman et du Green Lantern, entre autres. Et donc dans ces publications, ce sont des publications mensuelles, et il y a donc la majeure partie de la production, c'est quand même du super-héros. Et le principe, c'est que le super-héros, en gros, par exemple Batman, est un peu, l'élément le plus important du comics. Et sur Batman va venir travailler tel scénariste, tel dessinateur, qui va rester un certain temps, partir, quelqu'un d'autre va l'alterner. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des séries qui durent depuis très très très très longtemps. L'une des séries phares de DC Comics en arrive quasiment à 1000 numéros, donc un par mois, ça commence à faire pas mal. Et c'est ce qu'on appelle les ongoing, donc ce sont ces séries qui ne finissent jamais, jamais, jamais. Donc les Batman, jamais. Les Superman, tout ça, tout ce qu'on lit tous les mois voilà, dans nos kiosques. Religieusement. Ouais, t'as peut-être oublié de parler entre guillemets, du format, que c'est du coup des petits numéros d'environ 24 pages, ouais, entre 24 voilà, et 36 pages. C'est du quand même de l'objet de consommation. Voilà. Aux États-Unis, c'est à 3 dollars à peu près. Ouais, c'est à peu près 3 dollars, entre 3 et 6 dollars. Ouais. Et pour les gens qui lisent en VF, vous retrouvez tout ça dans des kiosques, donc c'est des petits formats où il y a 5-6 séries dedans. Entre 4 et 7 séries. Chez DC Comics, bon, si vous voulez du Batman, du Superman, ça va être Urban Comics, donc avec Batman Univers, Superman Univers, Justice League Univers. Voilà. Et sinon aussi, il y a la librairie, donc ce qu'on appelle du TPB, donc avec hardcover. C'est des reliés avec, ouais, avec toutes les séries. Il y a 15 numéros à peu près. C'est le format un peu. 6 numéros. 6 numéros, ouais, je suis un peu versé pour le coup. Ne t'emporte pas trop. Ça, pour le coup, c'est un format quand même plus européen en termes de lecture. Ouais. C'est, puis c'est quand même notre qualité. Et puis je reconnais qu'effectivement, les éditeurs français font du bon. Il y a un travail éditorial à chaque fois. C'est des beaux objets. Oui, oui. Comparé aux. Si jamais vous cherchez sur Internet les recueils américains, c'est sur du papier souple et le papier n'est pas de bonne qualité et vieillissent très mal, en fait. Il faut les protéger, enfin, ouais. C'est vraiment une grande consommation, c'est à l'américaine. On vous achetait le comics, mais on vous vend des trucs pour le protéger après. C'est un objet de collection. C'est ça. Il y a même des boîtes à 10€ où tu peux ranger tous tes comics. Voilà. Il y a le CGC où tu peux mettre tes comics sous vide et tu ne peux pas les toucher et ça coûte très très cher. On sait pas quoi. Ça c'est pour les numéros vraiment. Et après tu les vends sur eBay et t'achètes une maison à Tahiti. Exactement. On va passer avec une autre question de cette question pour nous présenter. Là, ça va être un peu plus pour présenter l'équipe. Alors, c'est pourquoi et comment vous avez commencé à lire des comics. On va commencer par Tom. Enfin, par Gilles, excusez-moi. Appelle-moi comme tu veux. Ouais, parce qu'il y a plusieurs. Cette personne a plusieurs prénoms. Mais on va rester sur Gilles. Alors, Gilles, pourquoi et comment tu as commencé les comics? Bah, tu m'as présenté un peu comme le néophyte de la bande, peut-être. Ouais. Bah, ça a commencé il y a 3 ans à peu près. Moi, j'ai gagné un comics. Mais ça m'a donné envie de continuer à les lire, quoi. Peux-tu préciser par qui tu as gagné ce comics? Par le cinéma Gaumont Multiplex. Ah, on fait pas de pub dans ce... Pendant l'avant-première de Man of Steel, parce que je suis très grand fan de cinéma, et par contre les films de super-héros, je suis un grand fan depuis toujours. Enfin, depuis toujours. Comme beaucoup de monde ici, je pense. Voilà. Et du coup, je m'étais jamais mis au comics, et le fait d'avoir gagné le DC Saga numéro 10 m'a donné envie de continuer. Et après, le premier gros arc que j'ai lu, et justement, ça a été Batman, la cour des hiboux. Ah ouais, t'es en train de spoiler l'émission. Ouais, j'ai spoilé l'émission. Donc, ouais, vous savez, notre review sera Batman, la cour des hiboux. C'est la porte d'entrée parfaite. Mais après, je suis pas. J'ai commencé donc à cette époque, mais je suis pas un très grand lecteur. Je lis pas régulièrement. Je dois en lire un tous les mois. Mais quel est ton budget comics? Je pense qu'on va juger. Ouais, on va chiffrer. On va chiffrer un budget comics. J'ai honte de le dire. Vas-y. 0. Ah, ok, tu te fais offrir tes. Tu sors. Ouais. Je me fais offrir ou j'ai un ami chez moi qui s'appelle Google. Ah, c'est ton oncle américain qui t'envoie des comics, ouais. Tu lui rends après. C'est ça. On va passer à Max. Comment tu as commencé et comment tu... Alors, mon début avec les comics, c'est un peu une histoire croisée avec toi. Parce qu'on a les mêmes débuts, James et moi, donc je vais vous épargner son... Enfin, moi, j'ai commencé plus tôt que toi. T'as commencé plus tôt que toi, mais tu t'es mis sérieusement comme moi. Oui, exactement. Une petite musique langoureuse. Là, voilà, un petit ambiance. Slow. Petit violon. Vas-y, tu veux le faire à la bouche, Mathieu? Non, allez-y. Imaginez. J'ai à peu près commencé en 2012, c'est très précis, vous avez vu, je suis le maître du temps. Et avec, du coup, l'arrivée d'Urban sur le marché de la bande dessinée américaine, qui a relancé tout un univers qui est les New 52. Donc Urban, c'est Dargo, non? C'est Dargo, ouais. Urban, c'est Dargo. Et du coup, ils ont lancé une nouvelle gamme. Enfin, ils sont arrivés, ils ont dit on va proposer des bandes dessinées Batman, Superman, Justice League. Ils ont racheté la licence. Ils ont racheté la licence à Panini, DC, qui était chez Panini avant. Oui. Et du coup, je me suis mis au détour d'un rayon du Virgin. Je me suis dit, pourquoi pas, allez, on achète. Tu avais entendu parler du reboot de... Pas du tout. Explique peut-être ce que c'est le reboot des New 52. Alors voilà, en fait, du coup, comme parlait Mathieu tout à l'heure, c'est des séries qui ont à peu près 50, entre 50 et 60 ans. Mmh. Et donc, du coup, pour se renouveler, portes d'entrée. Voilà, à peu près tous les ans, il y a un nouveau statu quo. Moi, j'ai dit si, quand même, c'est très Marvel qui fait ça. Le héros meurt, il change d'armure, la ville est rasée... Qu'est-ce qu'il y a? Il a un fils qui apparaît, il y a un double maléfique qui apparaît. Et là, il y a 2012, du coup, il y a Et du coup, un 2012, gros, c'est le début de New 52, où DC tout remet tout à plat son univers et relance avec ses héros iconiques et relance des nouvelles histoires. Là où, en fait, ils se connaissaient depuis 75 ans, là, ils se connaissent plus, ils savent même... Batman découvre qu'il y a Superman à Metropolis, Green Lantern se dit « Oh putain, il y a Batman, c'est qui ce fou ?» On fait toute une nouvelle continuité. Et du coup, moi, j'ai commencé avec ça, et puis, du coup, depuis là, j'ai pas arrêté. Parce que pour les gens qui ne seraient pas, en fait, dans l'univers DC, tous les super-héros agissent dans le même univers, en fait. Et comme chez Marvel. Ouais, comme chez Marvel, oui. Mais du coup, c'est un univers partagé, un peu comme au cinéma en fait. Et tous les héros sont dans le même univers et ils interagissent entre eux. Vous avez même des séries des fois où c'est. Genre par exemple, en ce moment, il y a Trinity qui est sortie il y a pas très longtemps, où c'est la Trinité donc, de DC Comics avec Wonder Woman, Superman et Batman. Et du coup, mon budget comics, c'est d'à peu près 100 euros. Moi, c'est mon budget DVD qui est à 100 euros. D'accord. Et Blu-ray peut-être. Blu-ray plutôt. Peut-être passé au Blu-ray. Ouais. Ouais. Mathieu, comment tu as commencé les comics ? Alors, moi, je suis vieux, donc. Hein. Donc, le temple a commencé à lire des comics, c'était au début des années 90. Donc, c'était quand même pas la panacée. Hein. En France, il y avait une maison d'édition qui n'existe plus, qui s'appelle Semic, qui sortait du Marvel, mais c'était quand même assez chaotique. C'était assez compliqué. Internet, c'était pas trop ça. Les communautés, c'était pas trop ça. Donc, on devait se débrouiller un peu tout seul. Et c'est à l'ancienne, c'est un ami qui m'a montré des comics. J'ai rien compris à ce que je lisais, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est assez compliqué de rentrer dans l'univers. Et j'ai fini par capter un récit complet en plus, qui s'appelle Le Défi de Thanos, qui est pas n'importe quoi. Ça, tu commences pas avec n'importe quoi. J'ai pas commencé avec n'importe quoi, parce que pour ceux qui suivent le cinéma, Thanos, donc grand méchant dans les films des Avengers, et a priori l'année prochaine, je crois, les prochains Avengers, ce sera lui le méchant avec le fameux gant d'éternité. L'infini, c'est ça. Et du coup, avoir commencé ce comics dans les 90, si on m'avait dit un jour qu'il y aurait un film à 200 millions de dollars avec Robert Downey Jr. et compagnie, j'aurais dit oui, bien sûr, c'est ça. Plutôt de ma gueule. Ouais, continue. Et donc j'ai commencé avec ça, j'ai enchaîné avec les X-Men, et puis j'ai une consommation assez légère pendant quelques temps, et puis après je suis arrivé à Paris. Paris, c'était l'explosion, Album, Arca, mais alors là, c'était l'ouverture à la purge, j'ai lu de tout pendant quelques temps. Et je me suis vraiment mis aux comics un peu plus, ouais, il y a mine de rien pas si longtemps que ça, ouais, 6-7 ans, notamment chez DC. Ouais. Et du coup, ton budget comics, c'est quoi ? Alors, budget comics, ouais, ça approche entre 100 et 150, okay. À peu près, ouais. Je suis à 50 euros d'être un gardien qui dort. Voilà, attention. Alors, on va passer à moi. Alors moi, c'est une histoire que j'ai déjà racontée dans une vidéo. Donc si vous voulez la voir, c'est aller sur l'Amicale du Geek, la chaîne YouTube. Et vous verrez une vidéo qui s'appelle en deux parties, qui s'appelle 15 questions à un lecteur de comics, où je raconte cette histoire. Donc je vais vous la raconter un peu plus brièvement. Moi, c'est un dessin animé dans les années 90 qui m'a donné envie de lire du comics, qui s'appelait Doug. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce dessin animé. Et en fait, dans ce dessin animé, le personnage collectionnait des vieux comics. Et je me disais, oh putain, c'est super cool et tout, j'aimerais trop faire ça. Et comme mes parents allaient beaucoup chez ce qu'on appelle les bouquinistes, donc c'est des vendeurs de livres anciens, donc moi, on traînait beaucoup dans ce genre de trucs. Et du coup, je suis tombé sur les vieux Luke, donc c'est un vieil éditeur encore plus vieux que Semic, c'est juste après. C'est avant Semic. Et oui. Et j'enchaîne. Du coup, j'ai commencé à acheter ça et à l'adolescence j'ai un peu arrêté, et au même moment que mon cher ami Maxime, je me suis remis justement parce que j'avais entendu parler sur les internets du reboot de DC et de du rachat par Urban, et c'est comme ça que je me suis mis sérieusement aux comics. Et on va passer à une autre question. Alors, quel est votre univers de comics préféré? Et cette fois, on va commencer dans l'ordre inverse, et on va commencer par Mathieu. Ça serait les X-Men, donc chez Marvel, parce que j'ai commencé avec eux, en fait, et du coup je les suis depuis très très très longtemps maintenant, donc c'est des vieux amis, grosso modo. Et bon, après avoir, ça fait maintenant quasiment, ouais, presque 20 ans que j'ai lu X-Men, il n'y a pas tout qui est bon, mais c'est un comics de groupe, il y a énormément de personnages, le principe des X-Men, c'est que ce sont des mutants, il y a tout un sous-dialogue de racisme, d'exclusion de la société, j'avais trouvé ça assez intéressant à l'époque, et bon, alors après, il n'y a pas tout qui est bon, mais voilà, disons que c'est les plus vieux que j'ai commencé avec cela, donc maintenant je suis assez attaché, ouais. Ok, Maxime. Alors, du coup, moi, j'ai commencé chez DC Comics. Attention, si tu mens, je suis là. Et j'ai commencé chez DC, et depuis environ, je sais pas, un an et demi, peut-être deux ans, j'ai retourné ma veste comme un sale couard que je suis, et je suis passé chez Marvel. Ouais, sale vendu. Et du coup, je le cache pas, je prends plus de plaisir à lire du Marvel en ce moment. Pourquoi tu prends plus de plaisir à lire du Marvel? Parce que du coup, ça me correspond plus, ça me fait, c'est un peu plus teenager. Marvel, si on peut essayer de définir les deux, il y en a un qui est vraiment serious business et c'est plus iconique, c'est vraiment mythologique, il y a une dimension de noblesse, et l'autre est un peu plus teenager, c'est des histoires du quotidien. Et là, j'ai plus envie de lire ça, en fait. Les mecs, si j'ai envie de lire... C'est Spider-Man, en fait, qui t'a fait changer de camp. C'est Spider-Man qui m'a fait changer de camp. Et si j'ai envie de lire de la mythologie, je lis l'Iliade d'Homère ou les 12 travaux d'Hercule. Ou Kingdom Come. Parce que tu achètes des deux, finalement. Mais j'achète des deux, mais mon plus gros budget comics, enfin, va vers Marvel. Ok. Tom. Gilles. Oui, Gilles. Putain, je vais changer à chaque fois. Gilles, excuse-moi. Moi, c'est simple. Moi, c'est l'inverse de toi. Moi, je lis que du DC. Parce que j'ai essayé du Marvel et je trouve ça trop niant, un peu trop. Voilà, c'est des tranches de vie. Et le côté mythologique, moi, j'adore, qui adore la mythologie, pour moi, c'est des dieux dans les personnages de DC et c'est ça qui m'attire. Du coup, je lis pas du tout de Marvel. Et ben moi, je suis l'inverse de Maxime, comme il a dit tout à l'heure. J'ai commencé avec Lug, qui faisait que du Marvel pratiquement, et je suis passé chez DC. Mais je pense que Batman a pris mon cœur il y a des années déjà. Et le dessin animé de Paul Dini, de Bruce Timm, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce vieux dessin animé qui est vraiment génial. Vous pouvez le revoir encore. En ce moment, il a pas vieilli d'un pouce, et c'est ça qui a vendu, qui m'a vendu à DC. Je suis un DC's convaincu jusqu'au bout. Ah, pardon, moi je lis un peu de Marvel. Je lis les Marvel Fun. Ah oui, c'est vrai. C'est des petits kiosques. C'est une private joke. C'est pas du tout une private joke. Il y a des jeux à l'intérieur, des labyrinthes et tout. C'est vachement bien. Si quand il y a un labyrinthe, c'est franchement, ouais, c'est obligatoirement vu. Est-ce que je vais poser une question? Est-ce qu'on fait une dernière question? Allez, vite fait alors. Une dernière question, vite fait. Alors, on va passer. Quel est votre film de comics préféré? On va finir avec ça. Vas-y, petit Gilles. Vas-y, Gilles. Moi, c'est Avengers, le tout premier Avengers. Ok, moi c'est Gardien de la Galaxie. Compliqué. Ouais, en termes de qualité, de fun, j'irais Gardien aussi. Ouais, c'est peut-être pas le plus iconique. Je serais plutôt faire du X-Men 1 ou 2 parce que c'était les premiers. Ah. Mais... Moi, j'aime pas du tout Singer. Oui, non, mais c'était là. Ils ont lancé un peu le truc quand même. Mais après, Gardien était quand même très très cool. Moi, sachant que t'allais poser cette question, et du coup, ça a mûri toute la nuit parce que j'arrivais pas à me décider. Et je dirais Spider-Man 2. Oh non, tu te fous de ma gueule. De Rémi. Spider-Man 2 de Rémi. Ok. L'autre n'existe pas. Et du coup, on va passer comme on parlait de cinéma, on va passer sur un son que vous avez peut-être entendu dans un film de comics. Je vous laisse deviner quel film dans quel film vous aurez trouvé ce titre. Et c'est Soundgarden, Live to Ride. If only you understand. Donc c'était Life to Rise, et pas Rise comme j'ai dit au début, de Soundgarden, et je vous laisse deviner de quel film elle est tirée. Et c'est Maxime qui a préparé la review cette semaine, donc comme tu l'as dit tout à l'heure Tom, tu nous de Batman. Tu nous as spoilé notre teasing, du coup on va vous parler du titre à quel James et moi avons commencé, ce qui est Batman, la cour des hiboux. Si vous avez suivi nos précédentes émissions, ou vous êtes arrivé maintenant, en fait on a beaucoup parlé de ce titre... déjà entre nous, et puis même dès qu'on croise des néophytes, on en parle. Et en fait, on le définit toujours tout le temps comme un titre ou parfait pour commencer. Et du coup... Les deux. Voilà, le fanboy dira les deux. Et c'est à la fois, pour nous, une claque pour les yeux, parce que Greg Capullo est genre super fort, et un scénario mené d'une main de maître sur 6 ans. Vous imaginez écrire un roman pendant 6 ans, et bien Scott Snyder a fait pareil, mais là avec une BD, il écrit un scénario pendant 6 ans. Ça a duré 6 ans ? Il n'a même pas fini, puisqu'il continue en fait avec All Star Batman. Enfin, c'est ça. Du coup, et donc quand on a commencé à préparer cette review, du coup je me suis dit bon bah allez, on va se lancer sur ça, et je me suis replongé avec bienveillance et que dans un comic que j'avais pas lu depuis genre 5 ans. Et donc je commence, et donc pour vous faire un petit historique de cette histoire, enfin de ce comics, il est publié en 2 tomes chez Urban Comics dans la collection DC Renaissance, et il est écrit par l'illustre Scott Snyder qui avait déjà travaillé sur Batman, et sur un petit bonhomme, vous verrez ses photos, il est super musclé, qui a fait une petite traversée du désert, qui est Greg Capullo. Greg Capullo qui avait bossé sur Spawn chez Image Comics, et qui avait bossé sur une série qu'il avait fait qui s'appelle Haunted, et ce mec est ouf quoi. Enfin... Ouais, puis il est ancré par Jonathan Glapion pendant quelques temps, Danny Mickey après qui apporte beaucoup, il a vraiment un style très gothique sur Gotham, les plans sont vraiment magnifiques, c'est très sombre, c'est très détaillé, très organique. Enfin, je sais pas pour vous, mais je trouve que le tout début, pour avoir relu, parce que j'ai relu pour l'émission aussi, je trouve que le début est pas ouf, et ça monte en puissance. J'allais y venir. Excuse-moi. Du coup, tu n'as rien à dire, petit Gilles ? Sur Greg Capullo. Non, je n'ai rien à dire. Tom non plus n'a rien à dire. on est allez, 5, suivre sur, voilà. Sur Twitter, et il passe souvent des photos il très très sympas. Des photos de lui en train de courir sur un tapis roulant, soulevé de la fonte. Ce mec est très gentil. Et si vous demandez de souhaiter votre anniversaire, il vous le souhaitera avec plaisir. Contrairement à Kate Cassidy. Voilà. Du coup, c'était ce week-end, je me suis replongé dans ce titre. J'étais là, ah ouais, c'est quand même bien et tout. Le mec, j'ai le passif d'avoir lu les 7 tomes qui suivent. Et dès le début, ce qui m'a marqué, c'est que l'auteur, il avait déjà tout prévu. Il a placé des pions comme ça dans un petit coin. Et il dit, allez, pour plus tard. Et c'est quand tu relis vraiment l'ensemble... Snyder, il est ouf. Que tu dis... c'est ouf, quoi. Mon cerveau a explosé, littéralement. T'as revu tous les petits indices. J'ai revu tous les petits indices. Pour vous pitcher vite fait l'histoire, en fait, c'est Batman qui, du coup, se retrouve confronté à un mystérieux assassin qui a une allure de hibou, ou qui laisse toujours des indices de hibou. Et au cours d'une de ses enquêtes... Il se retrouve face à un mur en flammes où il y a marqué « La prochaine cible, c'est Bruce Wayne ». Et donc on est là, « Ah, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Donc déjà, fait un bruit du numéro. Et la suite de l'enquête va amener Batman sur le passé de sa famille, qui étaient les Wayne, comment a été fondé Gotham City. Et du coup, vous allez me dire, mais en fait, le titre qu'on conseille à tout le monde, c'est pas original, c'est juste une origin story. Exactement. C'est le terme technique, c'est retcon, si je me parle bien. C'est-à-dire qu'en fait, une histoire écrite à l'heure actuelle, enfin aujourd'hui, va refaire un peu le passé sur des choses qui existaient avant. C'est toujours un exercice assez délicat parce que les vieux fans, dont je fais partie bien sûr dans le temple, n'aiment pas qu'on touche au personnage et ce qui s'est passé avant, plus ou moins. Et là, pour le coup, c'était quand même très très subtil ce qu'il a fait. Il a ajouté une composante très riche, plus à Gotham City qu'à Batman, et c'était vraiment, vraiment très habile de sa part ce qu'il a fait. Ouais, tout le truc sur la cour des hiboux, enfin, je trouve ça génial. Mais c'est pas mal ce procédé parce que, ok, je veux dire, on a tout le temps refaire une origin story, c'est un peu lassant, alors le fait de le mettre dans le présent avec des retours en arrière. Oui, là je fais mon vieux con lecteur de comics, mais j'aime bien les retcons aussi, il faut que ça bouge les comics, c'est pour toujours la même chose. Ouais, c'est pour j'ai un rôle, je garde le temple, donc j'ai oublié de le dire. Ils n'ont pas trop retcon, enfin la continuité est restée quand même, parce qu'ils gardent quand même pas mal de comptes de la continuité d'avant. Ouais, non, oui, là c'est plus sur l'histoire de la famille. Voilà. Du coup, en fait, ils définissent énormément. Enfin, ils apportent beaucoup de choses à Gotham, en fait, et définissent d'ailleurs un peu tous les comment dire, toutes les parties prenantes, et à tel point que du coup, dès le début, dès le numéro 2, on vous mentionne que le grand-père Wayne, il a fait en fait 7 gargouilles de machin qui n'est pas sur les plans, qui est visible. Et c'est un peu comme ça pour tous les personnages. On vous parle vite fait des Arkham qui ont fondé l'asile dans le premier numéro. Il est mentionné sans trop en parler des Cobblepot qui sont un peu là-bas, ils font un peu leur business. La famille du pingouin, les Cobblepot pour les voilà, gens. Voilà, qui sont les ennemis, un des ennemis de Batman. Batman. Et du coup, moi ce qui m'a choqué en fait, c'est que genre en 5 ans, parce que du coup c'est vraiment à partir de là que ça commence la mythologie des familles de Gotham City, en 5 ans. C'est devenu en fait un mythe, c'est devenu la ligne à suivre, à tel point que du coup dans de nombreuses dans d'autres médias en fait, comme les jeux vidéo, la série télé ou même dans les films, dans le dernier Batman, on parle de tout ça, que l'ancienne famille Wayne était des fondateurs de voilà, Gotham, voilà, qui était une des familles fondateurs, une des familles fondatrices. Mais c'est pas Snyder qui a inventé ça. Non, ça y est depuis. Mais c'est lui qui le met en avant. Qui dit voilà, c'est une pierre angulaire. Si vous voulez parler de Batman maintenant, il faudra parler de ça. Bah, rien que dans le jeu vidéo Telltale qui est sorti, j'en parlais. Mais tu as lu mes notes ou pas? Non, pas du tout. Parce que du coup, dans je sais pas si vous avez joué à la série, au nouveau jeu vidéo, on parle de ça. En fait, il y a une histoire sur comment a été fondé en fait tout le capital de sympathie des Wayne. Oui. Non, mais en fait, ce qui est génial dans cette série, c'est que Gotham est un personnage, dont la ville de Gotham, la ville de Batman, la ville qui protège et tout, devient vraiment un personnage, et on a l'impression de voir un peu Gotham interagir avec Batman et tout. Il y a tout un côté comme ça qui est vachement intéressant. Et justement, ce que je trouve intéressant dans ce qu'il a fait par rapport à Gotham, c'est que Gotham City, donc c'est la ville de Batman, tout comme Metropolis est la ville de Superman, et en général, Batman est vu comme le défenseur de Gotham City. Gotham City est Batman est Gotham City, mais pas forcément là en fait. Là, on s'aperçoit en fait qu'il connaît pas parfaitement Gotham City, qu'il y a toute une branche secrète de son histoire qu'il ne connaît pas, qui se retourne un peu vers lui. Et pour le coup, c'est très très perturbant. Et même dans le comics, à un moment donné, il passe par une scène dans un labyrinthe qui est psychologiquement très dur pour lui, qui est magnifique, magnifiquement dessiné. Et c'est au-delà du simple méchant sur qui il va se taper. C'est vraiment une renaissance en fait. Ça fait écho. C'est assez profond. C'est vraiment intelligent, je trouve. Ouais. Du coup, pour moi, là où le bas blesse, en fait, parce que j'ai relu, en fait, là, on vous parle de la cour des hiboux, mais il faut savoir qu'en fait, c'est deux arcs. En fait, il y a la cour des hiboux, et après, il y a la nuit des hiboux qui forment, en fait, un tout. Et en fait, il faut lire les deux pour vraiment saisir l'ampleur. Il faut aussi, enfin, moi qui ai lu, il y a Nightwing qui se passe en parallèle et qui fait aussi. Mais en fait, toutes les. J'allais y venir, du coup, il y a toutes les séries qui sont impactées par cette. C'est Snyder qui pose l'histoire principale. Et en fait, toutes les autres séries suivent. Mais après, en fait, il y a plein de ramifications. Si vous aimez Batgirl, il se passe des trucs avec Batgirl. Si vous aimez Nightwing, pareil. D'ailleurs, ce qui est bien dans La Cour des Hiboux, c'est qu'on a une image. Enfin, on voit Dick Grayson qui passe à un moment. Je crois qu'on voit Damien. On les voit tous. Justement, en lisant Nightwing, après, tu sais ce qu'il fout là et ce qu'il fait après. Dans les comics, c'est ce qu'on appelle un tie-in. C'est une série dérivée d'une série principale. Ouais. Caution. Il y a même une série Talon, donc, du l'ergo, l'espèce voilà, de méchant. Le méchant de cette série. Et j'ai lu ces 12 numéros, et en fait, j'avais complètement occulté, et ça se finit de manière abrupte. Ah oui, c'est super abrupt. Et je te parle des 12 numéros, pas des 6 premiers. Ah, genre, les 6 premiers, pour la petite anecdote, moi je les ai lus en kiosque, donc je ne l'ai pas lu dans le même format que je connaissais pas en fait le découpage. Du coup là je l'ai lu, j'ai emprunté un bouquin pour voir le découpage, comment ça se finissait et tout. Et j'ai vachement surpris, on finit vers un gros cliffhanger. T'as vraiment envie d'acheter direct le tome 2 pour avoir la suite quoi. Mais tu as lu parce que tu as lu en TPB, c'est ça? Moi je les ai lus en TPB. Et tu as lu le troisième, le deuil de la famille? Je les ai tous. Ah ouais, d'accord. Je les ai tous. Il a dit tout à l'heure qu'il y avait jusqu'au 6. Du coup, ce week-end, je me suis replongé, je me suis fait du 1 ou 7. Ah ouais, tu les as tous refaits. Je les ai tous refaits. Et c'est lequel le meilleur de tous les arcs pour l'instant? Pour l'instant, c'est le 7. C'est lequel déjà? C'est Endgame. Ah, Endgame. Ah. Avec le. Ah non, c'est le 6. Pardon, on n'est pas sur Endgame là. Bon, bref, donc, reprenons. Et genre, à la fin, ça finit, mais genre, comme ça, il y a un personnage qui arrive de je ne sais où. C'est un peu le Deus Ex Machina de la. Du titre qui sort comme ça. Et tu parles de Court of Fall ou Night of Fall? Du run en entier, des 12 numéros. Ah! La nuit des hiboux après. La nuit des hiboux. Et en fait, je me suis dit, ah mais. Du coup, j'ai pas lu celui-là. Du coup, j'ai fait que tu sais. C'était un peu nul en fait. Et à la fin. À la fin, t'as gâché tout. J'étais là, mais ça m'a gâché. Et du coup, je savais, honnêtement, encore aujourd'hui, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si Snyder est un génie ou si c'est un charlatan. Je crois que c'est les deux un peu. C'est un peu les deux. C'est un auteur de comics en toute façon. Ouais. Pour continuer sur ce que tu avais dit tout à l'heure, on peut parler de Greg Capullo qui était un peu à la traîne au début. Et ses dessins sont pas super. Mais le mec est tellement régulier, mais de fou. Comment sur 7 ans, il arrive à faire. 7 ans, c'est ça, il a fait un numéro tous les mois pendant 7 ans. C'est exceptionnel. C'est génialissime, quoi. Après, parce que du coup, je me suis documenté et je voulais l'excuser, dans mon petit Greg, parce qu'il m'a souhaité mon anniversaire sur Facebook. Alors, je n'allais pas lui taper dessus. Et en fait, pour la petite anecdote, pour savoir, du coup. DC New 52 commence en septembre 2011 aux États-Unis et l'idée de la Cour des Hiboux commence 4 mois avant. Donc on est en mai, Snyder se dit bon, j'en ai marre de Detective Comics. Mathieu, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que Detective Comics ? Detective Comics, c'est le comics culte chez DC, c'est quasiment l'un des premiers dans lequel est apparu notamment Batman et qui ne s'est jamais arrêté depuis, donc c'est celui dont je parlais au début. C'est celui qui va arriver à 1000 numéros, ce qui est un record de longévité, donc c'est l'un des titres phares emblématiques. Il n'y avait pas que du Batman, mais très très vite, c'est quasiment lui qui a squatté tout le temps. Et donc, effectivement, Snyder était dessus juste. On est à peu près au mois de mai. Et Snyder se dit, j'en ai marre, Detective Comics. Il était sur ça avant. Voilà, parce qu'en fait, il faut expliquer aussi que c'est une série un peu plus, comme son nom est, détective. Il y a un peu plus, c'est plus un thriller, un policier. Mm-hmm. Et donc, il se dit, j'ai envie de faire un peu du grand spectacle. Et donc, 4 mois avant, il va à la tête de DC. Il dit, voilà, moi, je vais faire ça. Ça me plaît, c'est cool. Allez, on se lance. Donc, ok, ils lui disent, banco, attends, on va faire un truc. C'est toi qui vas passer. Et puis... quelques temps après, même pas une semaine après, ils annoncent qu'ils vont faire un reboot. Et à ce moment-là, il n'y a toujours pas Greg Capullo. Donc en fait, le mec a commencé à dessiner, même pas 3 mois avant la sortie du titre. Ça veut dire que le mec faisait limite le comics au mois le mois, en fait. Il n'avait pas d'avance, il était fou. Ils font tous comme ça ? Enfin, je sais pas pourquoi ça t'étonne. Non, ils ont de l'avance. Il y en a qui ont de l'avance. Pour faire un lien avec la troisième partie de cette émission, Sarah Pichelli a à peu près 2 mois d'avance. Ah ok. Qui est Sarah Pichelli ? C'est une dessinatrice de chez Marvel. On en parlera tout à l'heure. Et du coup, vu que tu aimes... même si tu as été un peu déçu par la fin, à ce que j'ai compris, c'est ça ? Oui. Tu attends quoi de la représentation cinématographique de la Cour des Hiboux dans la série Gotham ? Mais justement, c'était le prochain point que j'allais apporter et... Tu es nommé dans mon petit... Ah, je suis nommé ? Oui. En tant que Tom ou en tant que Gilles ? En tant que Tom Gilles. Ah, d'accord. Le mec ne tranche pas. Donc, explique-nous ce qu'est Gotham. Mais comment ils peuvent faire une Cour des Hiboux alors qu'il n'y a pas Batman ? Ouais, ouais. Non. Bah, ouais. Si, justement. Gotham, c'est une série dans l'univers Batman, mais sans Batman. Donc, c'est un peu bizarre. Mais parce que ça se passe pendant la jeunesse du commissaire Gordon. Et on voit l'ascension de tous les super vilains que Batman va affronter, que ce soit le Pingouin, Poison Ivy, Harvey Dent. Et, voilà. Et on suit des enquêtes du commissaire Gordon. Voilà. En gros, c'est ça. Mais la saison 1, ça faisait vraiment un peu série policière. Et à partir de la saison 2, ils ont plus affirmé leur côté comics, leur héritage Batman. Et c'est devenu vraiment un peu plus comics. Moi, je trouve qu'il y a un problème dans cette série. Bon, moi, j'aime pas du tout cette série. Je le tiens à le dire. Et il y a le même problème qu'il y avait dans Smallville, c'est-à-dire qu'ils font une préquelle, donc ils font un truc avant Batman. Et au final, c'est comme dans Smallville où tu te trouvais avec tous les personnages de Superman. Donc Smallville, c'était la série CW sur Superman. Et au final, on se retrouve avec tous les personnages de Superman, mais il n'y avait pas encore Superman. Et Batman, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, pour moi, dans ma tête et dans mon petit univers gothamien, c'est Batman qui pousse à la sortie de tous ces super vilains. Ils existaient bien avant que Batman arrive. Enfin, le personnage en lui-même, il n'est pas né quand Batman arrive. C'est comme le Joker. Le Joker est une réaction à Batman. Et là, on voit que le Joker était déjà là. Bah non, justement... Tu n'as pas vu la série, tu ne peux pas savoir. Justement, le Joker n'est pas là. À chaque fois, il nous lance sur des pistes comme quoi, ce personnage est le Joker. Et en fait, ce personnage finit par mourir. Et on se dit, ah bah non, c'est pas lui le Joker. Et j'ai eu une grosse déception par rapport à cette série, parce qu'il y a un comics qui s'appelle Gotham, ou Gotham Central, qui se passe sur... c'est un peu le même principe, enfin, il y a Gordon quand même. Et c'est sur les policiers dans Gotham qui agissent face à des personnes comme Freeze, ou des personnes avec en toile de fond un peu Batman et tous ces méchants. Et c'est je pense, le meilleur comics que j'ai jamais lu de ma vie. Je le conseille à tout le monde, même si Maxime va me dire que c'est très moche. Ça a un dessin un peu plus franco-belge et c'est juste, c'est génialissime. J'ai essayé de le lire et j'ai pas réussi, moi. Ah ouais, ouais. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'a rebuté? Du coup, je me suis mis à Gotham Academy. Oh mon dieu! ouais, c'est grand écart là quand même. Ouais. Mais pour revenir à la cour des hiboux, ouais, vas-y. Autre chose intéressante à noter, c'est que tu parlais des vilains de Batman, ouais. C'est que. Il n'y en a aucun qui est le prédateur de Batman, en fait. C'est un peu Batman qui est le... Oui. On les voit tous au début. Au tout début, il y a genre une case où on les voit tous d'un coup. Qui est au-dessus de la chaîne, entre guillemets, de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que c'est lui le boss. Et il n'y a personne qui est, entre guillemets, au-dessus de lui. Parce qu'il y a même... Des fois, il y a... Spoiler, dans la suite des tomes, il y a Superman qui arrive, il pète la gueule. Et... et là, en fait, pour la première fois en 75 ans de Batman, on vous propose un prédateur à Batman. Et c'est la chouette. Parce que la chouette mange les chauves-souris. Mais... Et j'ai trouvé ça génial. Curse of Fall, c'est vraiment la chute de Batman, en fait. Et c'est ça qui nous montre la chute de Batman et sa renaissance en tant que bat-justicier. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça, je l'ai perçu comme ça. Je sais pas si vous êtes d'accord. Plus tard dans la série. Plus tard dans la série, moi, je le vois pas. Je le vois, tu vois, comme peut-être les premières années de Batman. Mais c'était un reboot à la base, donc effectivement c'est peut-être... Je le vois comme les premières années, mais c'est un mec qui a déjà du passif, on voit qu'il a déjà mis en tôle tout le monde. Mmh. Il y a déjà Damian, Oui, il y a déjà Nightwing, il y a déjà tout le monde. Je pense que c'est un des défauts, on en a parlé tout à l'heure, on m'a dit de ne pas en parler, mais c'est un défaut du titre, je pense, parce qu'ils ont fait je vais expliquer peut-être ce qu'est un relaunch, et en fait ils ont rebooté tout l'univers, donc ils ont remis l'univers à zéro, et ils ont dit oui, Batman a 3 ans. Ça fait 3 ans, je crois. Ou je sais, oui, c'est ça. Batman exerce depuis 3 ans. Ouais. Et le mec est là depuis 3 ans, mais il a déjà eu 3 Robins différents. Donc le mec en fait un par an. Et il a déjà eu son fils. C'est un peu comme les iPhones, en fait. Ouais, voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même un gap entre le temps qu'il est passé en Batman et la continuité qu'ils ont voulu garder. Parce qu'ils ont voulu garder quand même toute la continuité de ce qui s'était fait avant. Je pense que Taylor, c'est une raison très très commerciale et très basique. C'est-à-dire que tu peux pas non plus faire un reboot, d'après moi, à zéro, parce que les vieux du temple vont gueuler qu'ils ont lu des trucs pour rien. Qu'en faire? Parce que du coup, il va devoir déconstruire son chalet qu'il a fait. Et voilà, moi, il faut que je change tout chez moi si tu me fais ça, tu ne rends pas compte. Et donc, ils sont obligés de garder quand même un petit peu de continuité. Mais il faut reconnaître qu'un exemplaire numéro 1, quel qu'il soit, il vend des caisses et des caisses et des caisses. Si vous voulez avoir les petits chiffres, attention, c'est le numéro, j'ai fait un tableur Excel pour vous montrer combien. Le numéro 1 n'est pas la meilleure vente de New 52. Il n'a été vendu qu'à 212 000 exemplaires. Le premier étant Justice League avec 230 000. Alors en général, un comics, quand on vend 60-80 000, voilà. C'est pas mal. Enfin, les chiffres, je pense que c'est les mêmes, c'est les commandes chez Previews, peut-être. C'est ça, c'est les commandes. Voilà, Previews, c'est un gros magazine où tu commandes tes comics. Et en général, ils se basent là-dessus. Donc ce sont des gens qui précommandent 3 mois à l'avance leurs comics. Quand on précommande 60-80 000, t'es déjà pas mal. 212. Oui, surtout qu'en plus, les prix étaient encore assez hauts à cette époque, puisqu'on était sur du 4$. Et tout le monde ne commande pas, de toute façon. Non, donc c'est représentatif et pas tant que ça de tout ce qu'il lit, parce qu'effectivement, après, t'as toutes les traductions et tout. Ouais. Je crois que le Star Wars 1 chez Marvel était quand même à plus d'un million. Oui, t'es à plus d'un million. Le Spider-Man 1 aussi. Okay. Pour conclure, puisque on est tous d'accord pour dire que c'est un excellent titre. Ouais, ça c'est sûr. Qu'il y a des défauts, mais je signe, et je persiste et je signe, c'est un must-have. Il faut l'avoir. C'est un truc qu'il faut avoir dans sa collection, se le relire de temps en temps, et... continuer. Moi, je les ai achetés. Si j'ai juste un conseil à dire aux gens qui nous écoutent, et s'ils ne devaient retenir qu'une chose de cette émission, c'est achetez-le. Achetez-le. C'est une très bonne porte d'entrée. Voilà, c'est un très bon point d'entrée. Si vous voulez lire du Batman, il faut commencer par ça. Ouais. Voilà. Et de plus. Écoutez pas les gens sur internet qui vous disent oui. Commencez par ça et après vous verrez. Enfin, de toute façon, tout le monde a aimé la cour des hiboux. Hein. Moi, j'ai non, il y a beaucoup de gens qui râlent après. Hein. Snyder est un peu décrié. Même si c'est le meilleur. C'est pas grave. Parce que. Le titre propose à la fois du grand spectacle dans sa deuxième partie avec vraiment de la baston pendant 3 numéros où genre il y a des armures qui sortent, ça devient un peu Iron Man, et dans la première partie il y a vraiment un drame un peu plus intime, un peu plus thriller, pour moi, ils volent pas le statut qu'on dit depuis 4 ou 5 émissions, ou même entre nous, où on dit que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et si jamais... Ouais, mais peut-être ça a été un chef-d'œuvre la première fois que tu l'as eu, peut-être, voilà, tu l'as vu. Là, j'étais un peu plus déçu, je vais pas le cacher. Mais peut-être quelqu'un qui va le lire pour la première fois et il va... C'est ça. Voilà. Mais dans son ensemble, je regarde pas. Ça reste un très bon titre. Si jamais il y a des auditeurs qui ont envie de se le procurer à moindre coût, je vous propose un bon plan gratuit. Notez-le, arrêtez-vous sur le bas-côté, écoutez. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu ce qu'on appelait le Batman Day. C'est le jour de Batman, c'est organisé par DC Comics et Urban Comics en France. Et en fait, le but, c'est de promouvoir la marque Batman, en fait. Et à cette occasion, cette année, a été vendu le numéro 1, le DC Saga numéro 1. A été donné DC Saga numéro 1. Et je me suis renseigné, il en reste encore pas mal chez vos libraires ou sur les sites de vente en ligne de comics. Ce week-end, j'ai regardé dimanche, il en restait une cinquantaine chez un certain site de comics. Tu ne citeras pas. Que je ne citerai pas. Et ils sont gratuits. Vous avez juste les frais de port à payer, qui ne sont pas non plus énormes. Après, si vous voulez vraiment lire tout en TPB, ils sont sortis, je ne sais plus le nom de la collection. Tu sais, la collection un peu blanche, là. Oui, voilà. Et après, ils sont sortis dans cette collection. Et c'est autour de 15 euros le TPB. Non. C'est 10 euros. 10 euros dans cette collection-là. Ah oui, cette collection, ouais. C'est 10 euros. Mais sinon, le TPB, le hardcover de le 1, c'est 15 euros. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas si cher que ça. Et voilà, j'en ai fini avec ma review. Et on va passer au deuxième titre de cette émission, avec Escape de Rupert Holmes. Encore un film ? Encore un film, oui. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you'd like making love at midnight in the dunes on the Cape, then I'm the love that you've looked for. Write to me and escape. About my lady, I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like piña colada. Red tape at a bar called O'Malley's, where we'll plan our escape. So I waited with high hopes, and she walked in the place. I knew a smile in an instant. I knew the curve of her face. It was my own lovely lady, and she said, oh, it's you. Then we laughed for a moment, and I said, I never knew that you like piña coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean. Et donc c'était Escape ou The Pinocolada Song de Rupert Holmes. Quel bel accent. Exactement, de Rupert Holmes. Et je vous, encore une fois, je vous laisse découvrir dans quel film se trouve cette chanson. Ça ne va pas très dur, on a parlé de ce film en tout début de l'émission. Et on va enchaîner avec la troisième partie de cette émission. Et ça va être nos attentes sur les trucs qui sortent dans pas trop longtemps. Donc un comics, enfin un titre de comics et un truc hors comics de tout ce qu'on veut. Exactement, voilà. Et on va commencer avec Gilles. Bah, moi c'est plusieurs choses, ça c'est un tout mes attentes. C'est la rentrée série télé, donc avec Arrow, Flash, Gotham, Agents of S.H.I.E.L.D., tout ça que j'attends beaucoup parce que je sais que toi tu ne suis pas du tout ces séries. Non, moi j'aime pas du tout les séries. Mathieu, tu les suis toi? J'ai arrêté. Et toi, je serai l'épaule sur laquelle tu pourras t'appuyer parce que je suis à peu près tout. En plus elle est confortable ton épaule. Ah, merci. Je vais peut-être faire Legend of Tomorrow parce que la première saison. Ah oui, et Legend of Tomorrow. Quand même... Mon Dieu, vous êtes fous, oh, mais c'était pas bien filmé. Mais tu peux pas juger une série sur un épisode. Ah si, tu non, peux non, non, juger. S'il vous plaît, mes amis. Excuse-nous, on s'égare. Parce qu'on a déjà eu ce débat houleux des millions de fois. Ouais, mais jamais en direct à la radio. Voilà. Ne vraiment... regardez pas ces séries, c'est vraiment si, regardez. Vous êtes prêts pour quoi un jour, pourquoi c'est nul? Je suis d'accord, les premières saisons sont un peu laborieuses. Je suis d'accord. Mais de après, quoi de quoi bah, de, que ce soit Arrow, Flash. Moi, j'ai aimé que les premières saisons de Arrow. Le reste, enfin, Arrow, je trouvais que ça tenait le coup. Ils vont le faire leur débat, c'est dingue. Hein. Pour nos auditeurs qui ne savent pas quelles sont ces séries, est-ce que du coup, tu pourrais vite fait pitcher. Alors, Arrow. Arrow. Commençons par, dans l'ordre alphabétique. Arrow, c'est Arrow. Batman, mais avec un arc. Est-ce que, voilà, je pense que... C'est à moi de parler, c'est pas vas-y, toi. Excuse-moi. Voilà, donc Arrow, c'est Batman avec un arc. Non, c'est le personnage de Green Arrow qui fait partie de DC. Donc c'est une sorte de Robin des Bois. C'est le Hawkeye pour le Hawkeye de chez DC. Mais c'est plus Hawkeye que le Arrow. De, historiquement, oui, mais bon, ouais, détail. Oui, mais les gens voient plus les séries, enfin Avengers et tout en film. Que, enchaîne. Voilà. Et du coup... Donc on suit sa formation et sa genèse en tant que Green Arrow. Donc ça s'appelle Arrow parce que dès le début, ce n'est justement pas Green Arrow. Et il devient Green Arrow au fur et à mesure. Ouais, comme à mesure, tu disais, c'est une genèse un peu... C'est une origin story, comme tu as dit. Voilà. C'est pas très, enfin, très super-héros. C'est une origin story de première saison. Après, voilà, c'est oui, bien. Oui. Bon, après, c'est pas le d'ailleurs, Green Arrow que vous pouvez il dire. Il n'a son nom que de Green Arrow que dans la saison 4. Que de la saison 4, voilà. Mais après, voilà, si vous voulez voir... c'est pas du tout c'est un univers partagé avec Flash et maintenant Supergirl qui vient d'arriver, mais et Legend of Tomorrow mais après enfin vous ne verrez pas de Batman, en fait, c'est la de CW, Superman, la série de Warner, une chaîne de Warner qui passe plein de trucs pour les filles, pour les teenagers, pour les filles teenagers. Et en fait ils ont fait un univers partagé et du coup pendant la saison 2 de Arrow ils ont fait apparaître Barry Allen, Flash, et ça a lancé la série Flash. Donc Flash, c'est la personne qui court super vite, habillée tout en rouge pour ceux qui ne veulent pas qui c'est. Et voilà, c'est pareil, sa série où on suit sa genèse, son apprentissage pour aller de plus en plus vite et voilà. Non mais c'est ça. Hein. C'est on dirait une série d'athlétisme quand même. Voilà. Non mais c'est un peu à chaque saison, il essaye d'aller plus vite. C'est un peu le Jeanne et Serge, mais versant athlétisme. Sans l'entraîneur qui tabasse tout le monde. C'est ça. Enfin, Zoom, ça peut être... Après, il y a Agent of S.H.I.E.L.D., donc je te laisse parler d'Agent of S.H.I.E.L.D. J'allais me lancer. Peut-être Supergirl. Voilà, on reste du Supergirl, c'est sa série. Voilà. Ça va être la couche Supergirl, ce sera Maxime jusqu'au bout. Voilà, parce que j'aime beaucoup cette série. J'aime beaucoup les blondes, surtout en fait. J'aime beaucoup les blondes, je le confesse. Et c'est pour ça que Gilles est blond. Et donc, comme tu l'as dit, c'est une série dans un univers partagé. Et où on voit apparaître la cousine de Superman qui commence à avoir. Kara, voilà. Enfin, la première saison n'est pas du tout partagée. Enfin, elle est partagée. On va dire qu'elle est partagée. Ouais, on va pas se lancer parce qu'elle dans était sur une autre chaîne. En fait, la CW a racheté la série. Voilà. C'est ça. Voilà. Et donc, elle gère ses affaires au quotidien. Tout ce que Superman ne veut pas, en fait, elle s'en occupe, grosso modo. Et quand elle n'y arrive pas, Superman, il arrive et il est flou. Donc, vous regardez la série et en fait, il y a Superman, il arrive, il est flou. Et dans la saison 2, il est un peu moins flou, mais il est moche. Voilà. Et voilà. Un nouveau Superman arrive sur nos écrans. Voilà. Enfin, on peut parler aussi de Legend of Tomorrow, qui est un peu le Avengers des mauvais des seconds couteaux de la CW. C'est-à-dire que tous les gens... Squad. Voilà, ils ont pris tous les pires acteurs qu'ils avaient dans toute leur série. Non, et ils ont dit, ouais, on va pas dire les pires acteurs. Il y a Dominique Purcell. Non, mais Dominique Purcell, c'est le mec. Et Wentworth Miller. On a dit que c'était tous les seconds rôles. On ne juge pas le... Est-ce que je peux juste donner mon avis vite pour pas montrer que je suis un gros troll? Non, parce que du coup, James continue. Gilles continue, pardon. C'est moi qui ai le livre, donc... Legend of Tomorrow. Moi, je me suis fait toute la première saison. Oh, c'est moi. Mais ne juge pas, tu n'as pas vu. Si, j'ai vu le pilote, c'est moi. Oui, mais le pilote. Et c'est pareil. Enfin, la première saison de Legend of Tomorrow, la saison 2 va bientôt commencer. Donc c'est ça, c'est Rip Hunter, un voyageur dans le temps. Donc le seul bon acteur de tout le lot, qui jouait dans Doctor Who. Ne me découpe pas. S'il y avait un bouton muté, tu serais muté. Sache-le. Et voilà, Rip Hunter, un voyageur dans le temps qui réunit une équipe de James l'a dit, de second couteau, voilà, de bras cassés, de personnes dont tout le monde se fout. Dans l'ancien Superman. Pour essayer d'arrêter. Pour sauver l'univers. Vandal Savage, un immortel qui vont essayer de vaincre. Voilà. Ils vont voyager dans différentes époques. Dans différentes époques, c'est plutôt pas mal. Excusez-vous. On passe sur Gotham que tu as défini tout à l'heure. Et on enchaîne sur la seule série Marvel à la télévision, puisque les autres sont sur Netflix, qui est un service d'abonnement payant, qui est Agent of S.H.I.E.L.D., où en fait là, contrairement à ce qui se fait chez la concurrence, on suit les agents fédéraux du S.H.I.E.L.D., qui est une organisation gouvernementale américaine. Qu'on voit dans c'est Avengers. C'est eux qu'on recrute. Voilà, Nick Fury était le directeur. Mais il est toujours le directeur. Peut-être pas. Spoiler. Mais non, en plus c'est plus lui. Oui, mais oui, mais tu viens de spoiler. Je me souviens plus en fait. Bah non, mais de toute façon on le sait. Voilà. Et en fait, pour moi, Agent of S.H.I.E.L.D. c'est un peu le laboratoire fourre-tout de chez Marvel. Genre ils ont testé d'introduire les nouveaux, les Inhumains. Les Inhumains. Qui essayent que Marvel essaye un peu de remplacer à la place des X-Men. Ne t'étouffe pas, Mathieu. Ils peuvent essayer, hein, ils vont pas y arriver. Et donc là, ils ont surtout essayé de voir comment le public réagit à ça avant de lancer leur film. Ils ont pas les droits de tout ça parce qu'ils n'ont pas les droits d'X-Men. Voilà. Ouais. Depuis ils ont annulé le film Inhumain derrière, on a la réponse. Enfin, il est repoussé à une date ultérieure. Voilà. Ouais, pas annulé. Et donc là, dans cette saison, qui a déjà repris, ça fait il y a beaucoup de saisons, ça commence. C'est la quatrième. Il y a quatre saisons et du coup là, elle s'est lancée la semaine dernière avec le Ghost Rider. Il y a une rumeur qui court aussi comme quoi le Punisher joué par John Bernthal qui va arriver dans Agent of S.H.I.E.L.D. Moi on m'a dit que c'est Maxime à côté de moi qui m'a dit que je crois que c'est Joe Quesada qui gère j'ai lu ça ce matin après Sur les toits d'Héroïque. Moi ça ferait mal quand même. Non, pas sur les toits d'Héroïque. Oh, tu fais de la concurrence. Hein, voilà, on a parlé de... Donc Joe Quesada qui était un ancien directeur de... J'ai loin au regard le plus noir de la Terre. Si vous pouvez me dire tu es mort, je serais mort. Donc je vais pas continuer, mais apparemment les séries Netflix restent dans leur univers à elles, elles ne sortent pas du lot. Et comme on est en train de parler de ça, moi je vais peut-être parler de moi ce que j'attends pour. Vas-y. Moi j'attends beaucoup Luke Cage qui sort vendredi, donc toute la série d'un coup. Ça c'est bien. Et donc c'est comme Daredevil, Jessica Jones. Ouais, voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir ces séries, c'est juste sur génial. Netflix. D'ailleurs, j'ai enfin fini Daredevil saison 2 cette semaine et c'était oufissime. Donc allez le voir, c'est génial. Et là, c'est Luke Cage. Donc Luke Cage, c'est un black qui a une peau qu'on a déjà vu dans Jessica Jones. Ouais. Et donc vous pouvez lui tirer des balles dessus, ça lui fait rien du tout. Et ça a l'air d'avoir un univers très hip-hop et très, très sympathique comme ça. Donc moi, ça me hype beaucoup. Est-ce que vous allez regarder Pardon, c'était pas toi Mathieu qui devait nous parler de Luke Cage? Non, mais je boude. Ah merde, voilà. Excusez-moi. J'ai trouvé obligé de vous parler Star Wars. C'est moche. Non, mais tu peux parler Star Wars, c'est pas grave. Mais vas-y, donne-nous ton avis sur... Luke Cage, oui, comme vous venez de dire, ce sont les séries Netflix et c'est quand même de la qualité, c'est quand même beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte, ça peut être assez intéressant. Les deux premières saisons de Daredevil et Jessica Jones étaient beaucoup plus adultes par opposition aux séries CW. Et c'est beaucoup plus violent. C'est assez violent, là pour un peu qu'ils arrivent à trouver un angle justement un peu hip-hop, un peu Bronx, pourquoi pas, ça peut être assez... je sais pas si sur la longueur ça va tenir, mais bon, on va regarder de toute façon. Du coup, vu que t'as coupé le sujet de Mathieu, on va te couper le tien aussi, voilà. D'accord. Œil pour œil, dent pour dent. Toi qui vas parler de Descenders, c'est ça? Non, pas du tout. Je te tends une perche, tu vois. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vas peut-être faire samedi Aix-en-Provence. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, peut-être, parce que tout ça va rester dans le vague et le flou. Donc peut-être que vous allez nous voir à Aix-en-Provence, puisque la librairie, tu vas me dire le nom de la librairie, parce que j'ai pas... J'en ai aucune idée. Il y a une association d'amateurs du comics, en fait. Donc c'est une librairie de Aix-en-Provence, j'espère qu'il n'y en a pas 40 millions, si vous chercherez dans Aix-en-Provence, qui organise une séance de dédicace avec Sarah Pichelli. Donc Sarah Pichelli, c'est une grande dessinatrice de... Enfin, grande, entre guillemets. Qui est en charge en ce moment de Spider-Man et qui a fait les Gardiens de la Galaxie. Et qui est très, très, très, très sympathique. On a déjà croisé avec Maxime à la Comic Gun, qui est avec son mari, David Messina, donc c'est un auteur un peu moins connu, mais qui fait des trucs, un peu plus cul. Donc ça, si vous voulez des dessins de personnages un peu plus osés, vous pouvez aller lui demander. 18 plus. Ouais, voilà. Et donc, si vous nous croiserez, peut-être, si vous arrivez à trouver la librairie, dont on a oublié le nom. Et c'est pas gagné quand même. Portez même je crois que c'est BD Livre, un truc comme ça. Je suis pas sûr. Peut-être que je dis de la merde. De toute façon, vous trouverez sur internet. Oui, c'est celle qui est en plein centre-ville. Je mets, ça vous fera une occasion d'aller liker la page Facebook de Comics Discovery. Quelle transition. Oh, magnifique. Exactement. Et je mettrai toutes les infos sur la page Facebook. Ou Gilles les mettra, puisque c'est lui qui gère la page Facebook. Eh oui. Il se peut aussi qu'on ait peut-être quelque chose à offrir. N'est-ce pas, Gilles? Ah oui, peut-être. Je ne sais pas. Restons dans le flou. Donc, continuez à écouter Comics Discovery et peut-être dans une semaine ou deux, vous aurez quelque chose à gagner. Peut-être que ça se passera peut-être en rapport avec un film de super-héros qui sort bientôt. Dans pas trois semaines. Ouais, dans trois semaines. Donc c'est un médecin qui est étranger. Voilà, exactement. Voilà. Et je vais enchaîner avec moi ce que j'attends, parce qu'on a parlé, on va pas parler de... Ah non, pas du tout. Moi, je peux pas de parler. Alors, on a dit œil pour œil, dent pour dent. D'accord, donc j'ai plus le droit de parler de mon... donc Gilles, est-ce que tu avais peut-être un titre à nous conseiller qui va sortir dans pas trop longtemps? Ouais, moi c'est... Ah oui, j'avais pas eu, excuse. Ah ben voilà, on en saura pas plus. Moi c'est Walking Dead, le prochain tome. Tout le monde va citer son truc, toi c'était quoi? Je n'avais pas de titre. Tu n'avais pas de titre. Et toi, tu n'avais pas de titre. Si, moi, je voulais juste parler deux secondes. Enfin, pas parler, dire que je continue à suivre les X-Men qui ont repris un reboot il n'y a pas très longtemps, à voir ce que ça donne, parce que ça a l'air assez cool pour l'instant. Donc voilà. Mais visiblement, James a pris toute la parole. Donc, excusez-moi, voilà. Je suis désolé. Et moi, je voulais vous parler de Descender, tome 2 qui sort le 30 septembre. Lisez le tome 1 parce que c'est juste génial. C'est Dustin Nguyen et Jeff Lemire. Et c'est juste un des meilleurs comics que j'ai lu récemment. Donc. Vous pouvez aller voir ça et on va. C'est l'heure de nous quitter. Donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Comics Discovery, aussi sur Twitter et sur Instagram. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et puis comme on disait, si vous avez des questions, un peu généraliste, on ne dit pas qu'on est les meilleurs connaisseurs de la planète, mais ça meublera. Mais le Twitter est ouvert, on vous répondra. Sur l'adresse mail. Ouais, on a une adresse mail, donc comicsdiscovery@gmail.com. Tout simplement. Et on va finir sur ça. Voilà, et on se dit à la semaine prochaine. Exactement. A priori. Au revoir, les amis. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Bye.